La nuit de Noël dans tous les pays par Mgr Chabot, prélat de sa sainteté, curé de Pithiviers, Loiret. Chapitre 3. Les particularités de la messe de minuit. Ce chapitre est le plus intéressant de tous, car c'est la messe de minuit qui donne surtout à la fête de Noël sa grande popularité. Un ancien usage qui semble remonter jusqu'au pape Télesphore, IIe siècle, ou au moins jusqu'à Saint Grégoire le Grand, homélie 8e sur l'évangile du jour, permet aux prêtres de dire trois messes le jour de Noël. En Espagne, les prêtres ont aussi le privilège de dire trois messes le jour des morts, à la condition de les appliquer à tous les défunts et sans honoraire. Les Grecs unis ne disent qu'une seule messe le jour de Noël. Il semble que l'intention de l'Église, en autorisant cette coutume, a été d'honorer les trois naissances différentes de Jésus-Christ. La première est sa naissance temporelle à Bethléem, que l'Église honore particulièrement à la messe de minuit. Celle-ci se célèbre à l'heure même où l'on pense communément que notre Seigneur a voulu naître. La seconde est sa naissance spirituelle dans les cœurs des fidèles, figurée par sa manifestation au berger qui est racontée dans l'évangile qu'on lit à la messe de l'aurore. La troisième est sa naissance éternelle dans le sein de son Père, rappelée à la messe du jour. L'Église nous y fait lire, pour épître et pour évangile, deux passages de l'Écriture où la divinité de Jésus-Christ est clairement énoncée. Quoique les fidèles ne soient obligés, par le précepte de l'Église, qu'à assister à une des trois messes de Noël, l'usage des personnes pieuses est de les entendre toutes les trois. À Rome, le pape disait la première messe de Noël, la messe de minuit, dans l'église de Sainte-Marie-Majeure, à l'autel de la crèche. La seconde messe était célébrée dans l'église de Sainte-Anastasie, martyr de Sirmich, dont les reliques étaient vénérées à Constantinople. Cette église se trouvait dans le quartier le plus central de Rome. La troisième messe était célébrée dans l'église de Saint-Pierre. C'est pendant cette messe que le pape Léon III, en couronnant Charlemagne empereur d'Occident, inaugura en 800 le Saint-Empire romain. Ordinairement, le pape lui-même célébrait les trois messes. La messe de la nuit, dite à Sainte-Marie-Majeure, était surtout solennelle. Une foule immense remplissait toujours la vaste basilique, toute resplendissante, avec ses mosaïques, ses bronzes, ses porphyres, ses tabernacles d'or étincelants de pierres précieuses, et surtout sa longue et majestueuse nef soutenue par 38 colonnes de marbre blanc. Représentez-vous cette immense église, aussi éclairée qu'en plein jour. C'était partout des lumières, il en jaillissait des faisceaux de chaque colonne. Le sanctuaire, surtout, était tout en feu, et toutes ces lumières se détachaient sur des draperies de velours cramoisi à franges d'or, dont l'église tout entière, aussi bien que la colonnade, était ornée. Les chanoines de la basilique allaient en grande pompe chercher la pauvre crèche qui servit de berceau à l'enfant Jésus. Dès que la sainte relique était exposée à la vénération des fidèles, le souverain pontife commençait la messe. Et quelle messe ! De quelles suaves et indicibles émotions devaient être inondés les témoins mille fois privilégiés de cette messe de minuit, dite par le chef de l'Église près du berceau du Sauveur, à l'heure même où l'Église rappelle le souvenir de sa naissance. Après avoir contemplé et admiré ses splendeurs, abaissons nos regards sur l'humble église de nos villages. Comme la scène de la nuit de Noël est belle dans sa touchante simplicité, dans une demi-obscurité, l'office commence. Au-dessus de l'autel, dominant une crèche de branchages, une sorte de transparent reflète, en vague miroitement, la lumière tremblante des cierges. Minuit, un sauveur nous est né, chantons Noël. L'enfantelet de cire étendu sur la paille semble baigné d'un flot d'or perçant la claire-voie de l'étable. Tout autour du cœur flamboie en lettres d'un mètre de haut le cantique des anges, le cri d'amour et d'adoration, Gloria in excelsis Deo. Le sanctuaire est bien humble, bien pauvre, si pauvre que les cierges vacillants de l'autel de la nef ont grand-peine à dissiper les ténèbres, et qu'il faut, pour suivre l'office dans le gros paroissien aux lettres d'alphabet, céder du lumignon qui guidait tout à l'heure les pèlerins à travers la campagne endormie. Mais une foi ardente anime ces âmes croyantes à la seule pensée du mystère qu'on commémore en cette nuit de nativité. Une extase intérieure illumine la petite enfant qui est pâle comme la vieille grand-mère qui ne sut jamais lire. En allant à la messe de minuit, Jeannot, mon vieux, prend ta béquille. Faut aller voir l'enfant Jésus. La coque en feu flambe et pétille. L'eau bénite a coulé dessus. Si la bonne dame, à Dieu plaise, entre chez nous toute la nuit, elle y trouvera de la braise pour la bouillie à son petit. J'ai mon bâton, la neige est dure, tiens-toi bien, prends garde de choir. Déjà le vent de la froidure éteint ma lanterne, il fait noir. Marchons doucement. C'est peut-être la dernière fois, ô mon vieux, que nous allons voir notre maître, si bon pour nous, les pauvres gueux. Oui, nous avons passé sur terre tous deux plus de 78 ans. L'heure est proche où notre misère doit prendre fin. Il est bien temps. Trimet, bûcher, voilà l'aubaine, toujours minable et tracassée. Mais plus en ce monde l'on peine, plus on sera récompensé. Au paradis, ma pauvre vieille, on n'aura plus ni froid ni faim. On n'y connaîtra pas la veille le grand souci du lendemain. Nous prierons Jésus tout à l'heure de nous y faire entrer tous deux, puisque la place la meilleure, il la réserve aux malheureux. Ô mon vieux, ce que moi j'espère, c'est de revoir au paradis nos défunts, le père et la mère, d'y retrouver nos chers petits. Ah Jésus, pourvu que personne de chez nous ne manque là-haut. Mais voici la cloche qui sonne, nous arriverons comme il faut. Ainsi, le dos rond sous la bise qui court le long du sentier blanc, les vieux s'avancent vers l'église, tout chevrotants et gambillants. Pauvres gens, quoique la distance ne soit pas grande, ils sont bien là, mais dans leurs rêves d'espérance, ils ne s'en aperçoivent pas. Oh, comme l'église flamboie, oh, tant de cierges sur l'autel, oh, les beaux cantiques de joie, l'encens fume, Noël, Noël. Le chant, le parfum, la lumière mettent en leurs cœurs éblouis une allégresse avant-courrière des liesses du paradis. Ils n'ont jamais, depuis l'enfance, manqué la messe de minuit. Avec la même confiance, les voilà qui prient aujourd'hui. Votre prière n'est pas vaine aux bonnes gens agenouillées, puisqu'elle charme votre peine et que vos mots sont oubliés. Ils partent, simulant l'aurore, la lune éclot à l'horizon. Sur leurs lèvres murmure encore la douce et naïve oraison. Le couple, en silence, chemine, et sous les piqûres du gel, les vieux rentrent dans leur chaumine, transis, contents. Noël, Noël. Achille Millien à Beaumont-la-Ferrière, Nièvre. Le vicomte Walsh, dans son admirable ouvrage « Des fêtes chrétiennes », nous raconte une messe de minuit pendant la Révolution, qui a bien ce caractère de simplicité dont nous venons de parler. Je me souviens d'une messe de minuit dite en cachette pendant les persécutions de 93. En ce temps-là, il n'y avait plus d'église pour célébrer les saints mystères. Une grange fut choisie par les habitants du hameau. Les femmes la décorèrent pendant la nuit précédente. Des draps de grosse toile bien blanche furent tendus tout alentour. Une table rustique, recouverte des linges les plus blancs, devait servir d'autel. Des branches de houx à petites baies rouges étaient placées comme bouquets de chaque côté du crucifix d'ébène. Deux chandelles de résine furent mises dans des flambeaux de fer. C'était toute la pompe de ces temps de persécution. Isolément et sans faire aucun bruit, les fidèles se rendirent à la grange, préparée pour la fête. Avec quelle piété ces paysans bretons tombaient à genoux devant cet autel si pauvre. Quand le prêtre parut à l'autel, des pleurs s'échappèrent de tous les yeux. Lui-même fut tellement ému qu'il répandait aussi des larmes qui n'étaient pas sans douceur. Confesseur de la foi quelques jours auparavant, il avait touché de près à la mort et le voilà qui va célébrer un mystère de sainte joie. Avant d'aborder les très intéressantes particularités de la messe de minuit que nos amis ont bien voulu nous signaler dans toutes les contrées de la France, on voudra bien nous permettre de citer une ravissante nouvelle d'Auguste Nisard qu'on pourrait intituler une messe de minuit manquée et qu'on pourrait résumer ainsi. Notre mère attendait, pour nous emmener avec elle à la messe de minuit, que chacun de nous eût ses 7 ans accomplis. À 11h30, ma mère vint m'éveiller. Las, je dormais d'un sommeil si dur que je n'entendis pas cette voix chérie et continuais de ronfler de toutes mes forces. À un second appel, je ne répondis pas davantage. Enfin, à la 3e sommation, j'ouvris les yeux, je me débrouillai comme je pus de mes visions nocturnes et tirant de dessous mes draps cette jambe-ci, puis cette autre, je tombai plutôt que je ne fus sur mes jambes. Je n'étais pas tout à fait endormie et pas tout à fait éveillée. Voilà-t-il pas que je retombe lourdement et je dis à ma chère mère que je veux me recoucher, à quoi celle-ci n'eut garde de s'opposer. Au matin, je m'en voulus mal de mort de ma lâcheté, je ne me suis jamais consolée de cette messe de minuit manquée. Messe de minuit en Normandie. C'est au pays de Caux surtout que la messe de minuit se célébrait avec une grande solennité, sous le nom de fête des bergers. Son origine était complètement normande. Au début, cette fête ne fut en effet qu'un de ces petits drames liturgiques latins que parfois on intercalait comme une sorte de jeu sacré dans l'office solennel, tel la messe de l'étoile et la messe de l'âne, qui fut représentée souvent dans les premières années du Moyen-Âge à la cathédrale de Rouen. On représentait aussi dans la même église le drame des pasteurs, adoration pieuse et naïve de l'enfant Jésus par les bergers. Ces pastorales donnèrent naissance à la fête des bergers. C'est la même naïveté dans le scénario, avec un caractère rustique qui remplace la gravité sacerdotale. C'était aux garçons du village que revenait l'organisation de la fête. À Goderville et à Frobertville, ils élisaient même un maître qui devait recueillir les offrandes pour l'achat d'un somptueux pain béni. À minuit, la vieille église du village s'estompait dans la brume blanchâtre et glacée. Sous le porche et dans l'allée centrale piétinaient, avec un perpétuel chuchotement, les curieux, étrangers à la paroisse, qui cherchaient, comme dans les théâtres des villes, des places assises d'où l'on puisse très bien voir. Tous étaient attirés par le charme de poésie touchante qui caractérisait cette pittoresque cérémonie. De tout ce mouvement, de tout ce bruit, sont presque scandalisés les habitants du village, rangés dans leurs bancs bien cirés, cultivateurs venus avec leurs valets par les chemins creux, vieux paysans aux casquettes de poils et aux sabots de bois rembrunis, bonnes femmes dont le serre-tête de coton s'agite sans cesse d'un petit mouvement saccadé, fermières et leurs servantes, bien au chaud dans leurs amples manteaux de laine, dans leurs capelines sombres qu'égayent de blancs pompons légers et mouvants. Dans le clocher de pierre, les 12 coups de minuit viennent de sonner, les chantres ont achevé le Te Deum, le silence se fait dans toute l'église. Qu'attend-on ? Réunis auprès des fonts baptismaux, se tenaient tous les garçons du village, portant en écharpe une serviette blanche, tandis que le maître se distinguait au milieu d'eux par une sorte de petite nappe à longs effilés portée à la ceinture. À leur groupe se joignaient les bergers du pays. Ceux-ci avaient revêtu leur costume traditionnel, longue limousine rayée à pèlerine et à capuchon, chapeau de feutre à large bord, sabots aux pieds et houlette ornée à la main. À un signal donné, le cortège ainsi formé se mettait en marche. Souvent, il était précédé par une sorte de chandelle allumée, mise en mouvement et glissant à l'aide d'un fil de fer, d'un bout de l'église à l'autre, du portail à l'autel. C'était la marche à l'étoile. Les bergers tenaient en laisse ou portaient un bel agneau blanc tout enrubanné. Ils venaient l'offrir au Christ-enfant couché dans une crèche devant l'autel. Souvent, on tirait la queue à la pauvre bête ou on la piquait avec une épingle, afin qu'elle se mît à bêler dans les moments les plus solennels. Mais ce qui attirait surtout les regards de la foule, c'était la civière du pain béni, éblouissante de lumière, de cierges et de chandelles allumées. Cette civière, comme à Néville, près de Saint-Valery, était un véritable monument de menuiserie en forme de pyramide, à plateaux ronds et superposés, ornés de lumières et reliés par des girandoles illuminées. Elle était en outre parée de jolies touailles ou nappes de broderies et de dentelles. Au beau milieu se dressait un mât portant 5 plateaux d'un diamètre de plus en plus diminué en montant et donnant l'aspect d'un cône. Du sommet de ce mât, comme quatre haubans, descendaient quatre branches de fer, portant de distance en distance des bras de candélabres et des torcheurs où brillaient de nombreuses bougies. Une sorte de manivelle, pour employer le terme populaire, une chinchole, placée à la partie supérieure, actionnait tous les plateaux qui tournaient alors sur leur axe en projetant l'éclat de 1000 petits cierges scintillants. Sur les plateaux reposaient les couronnes de pin béni, ornées de fleurs et de feuillages, ou laurier, lierre, rose de Noël. Un bouquet terminait également le mât pyramidal. Tout ce cortège, dans lequel deux garçons étaient chargés de mettre le mécanisme en mouvement, venait à un moment donné faire l'offrande du pain béni. Les fameux plateaux tournants faisaient surtout un effet magique. Nous avons extrait ces détails d'un excellent article de M. Georges Dubosc, dont tout le monde en Normandie connaît le talent et l'érudition. Journal de Rouen, 22 décembre 1901. À Saint-Victor-l'Abbaye, quatre petites filles, tout de blanc habillées, couronnées de roses, portent sur leurs épaules le symbole vivant de l'enfant-Dieu, un agneau immaculé, incarnation d'innocence, de pureté et de douceur. Couché sur un tapis moelleux de chaud lainage, l'agnelet dresse sa petite tête placide et sereine sous un dôme de verdure et de fleurs formé d'un entrelacement de feuilles de lierre et de branchages de houx piqués çà et là de roses, d'œillets et de chrysanthèmes. Messe de minuit en Picardie. Dans la plupart des villages se formait un nombreux cortège de bergers et de bergères vêtus de blanc. Le roi de la troupe, tout enrubanné et couronné de fleurs, portait dans une magnifique corbeille un petit agneau d'une blancheur de neige. On se rendait processionnellement à l'église, au chant des Noëls locaux et au son des musettes et des tambourins. Le prêtre bénissait l'innocente créature à la messe de minuit au milieu de la joie universelle. L'heureux agnelet était ramené à la bergerie où il était l'objet de soins particuliers. On le laissait mourir de vieillesse, car par une pieuse naïveté, on le regardait comme le sauveur du troupeau. Cette vieille coutume picarde nous rappelle la touchante cérémonie qui a lieu chaque année à Rome, dans l'église de Sainte-Agnès hors les murs, le jour de la fête de la glorieuse martyre, 21 janvier. Après la messe, on organise une procession. En tête s'avancent des prêtres, en grands manteaux noirs. Ils tiennent chacun sur les bras un superbe coussin de damas rouge, orné de franges d'or, sur lequel est mollement couché un petit agneau blanc comme la neige, la tête couronnée de roses. Ces agneaux sont placés sur l'autel et bénis par le célébrant. Ils sont fournis par les pères trappistes des Trois Fontaines. Après la cérémonie dont nous venons de parler, ils sont remis à deux chanoines de Saint-Jean de Latran qui les offrent au pape. Le pape les bénit de nouveau et les confie aux religieuses du monastère de Sainte-Cécile, aux Transtévères, qui en prennent le plus grand soin. Leur toison est coupée au mois d'avril et sert à confectionner les palliums, manteaux d'honneur qui, après avoir été déposés sur le tombeau de Saint-Pierre au Vatican, sont envoyés par le pape aux archevêques comme symbole de leur union avec le pontife romain. Messe de minuit en Champagne. À Clinchamp, Haute-Marne, le pain béni, surmonté d'un dôme de verdure et de fleurs, est offert à la messe de minuit par une jeune fille vêtue de blanc, comme une première communiante. Cette jeune fille porte le pain béni non point sur le bras, comme cela se fait ordinairement, mais sur la tête. Le petit échafaudage, en forme de coupole, qui surmonte le pain béni, est orné au sommet surtout de petits cierges allumés. La scène est des plus gracieuses. La jeune fille s'avance gravement, portant d'une main un cierge bien décoré, et de l'autre, maintenant sur sa tête, le pain béni tout resplendissant de lumière. Bien que cette cérémonie excite la curiosité de tous les assistants, elle s'accomplit toujours dans le recueillement le plus parfait. Notre aimable confrère qui nous transmet ces ravissants détails nous en expose le symbolisme frappant. Le pain béni convient bien au mystère de Bethléem, la maison du pain, et les cierges allumés représentent la céleste lumière qui environna les bergers quand l'ange leur annonça la joyeuse naissance de celui qui est la lumière du monde. Ego sum lux mundi lumen ad revelationem gentium. Au pays d'Armagnac, au commencement de la messe de minuit, on bénit le pain de Noël. Chaque famille offre le sien. Au retour, on en coupe un morceau qui est religieusement gardé pour la Noël prochaine. Le reste est mangé de suite pour commencer le réveillon. Dans le Condomois, tous les boulangers offrent un cadeau à leurs clients, le gâteau de Noël. C'est un pain spécial, pétri avec des œufs et de l'anis et d'un goût excellent. Les grandes familles reçoivent plusieurs de ces gâteaux de leurs boulangers. Elles envoient le plus beau à l'église pour être distribués aux fidèles à la messe de minuit. Ces pains sont donnés à l'assistance en grande quantité. Il est d'usage, dans un grand nombre de villages des Pyrénées, de faire bénir à la messe de minuit des petits pains que l'on garde pendant toute l'année et qu'on donne aux bestiaux quand ils sont malades, principalement aux brebis. Dans le Rouergue, Aveyron, après l'élévation de la messe de minuit, on entonne le Nodolet, chant de Noël, cantique particulier, embryon de drame liturgique. Le chœur des jeunes filles, de ses voix les plus douces, pour imiter les anges, s'exprime en français, annonçant le mystère de ce jour, et toute l'assistance en chœur répond en patois, demandant des explications et exprimant son étonnement de la naissance d'un dieu pauvre. Identique pour le fond, le Nodolet varie beaucoup dans la forme, suivant les diverses paroisses. Ce chant dialogué se rencontre aussi en Provence et en Normandie. En Provence, quatre jeunes gens, dont trois représentent des pasteurs et le quatrième un ange, s'avancent à l'entrée de l'église avant la messe de minuit. Ils conduisent un agneau orné de rubans. Ils chantent sur deux airs différents un dialogue, l'ange en français et les bergers en provençal. L'ange invite les bergers à se livrer à l'allégresse et à venir à Bethléem adorer le Messie. Un des bergers, surpris des paroles auxquelles il ne comprend rien, appelle son camarade Jean, qui entend le français, il le prie de lui interpréter les paroles de cet inconnu. Jean s'inquiète du voyageur, de l'objet de sa venue, et pourquoi il fait tant de bruit à la porte de leur cabane. Alors l'ange leur annonce la naissance de Jésus. Quand ce dialogue est terminé, l'ange et les pasteurs entrent dans l'église, s'approchent de la crèche, et s'étant mis à genoux, ils offrent l'agneau en chantant un dernier verset en chœur. Une scène à peu près semblable a lieu en Normandie, dans l'église de Saint-Victor-l'Abbaye. Avant la messe de minuit, quatre jeunes filles, groupées au pied de l'autel, se lèvent et lancent cet appel. « Venez, bergers, accourez tous, laissez vos pâturages, un nouveau roi est né pour vous, portez-lui vos hommages. » N'oubliez pas vos chalumeaux, ni vos douces musettes, et faites de vos airs nouveaux retentir ces retraites. Ces jeunes filles figurent les anges annonciateurs de la venue du Messie aux bergers endormis dans la plaine de Bethléem. Leurs voix pures et fraîches nuancent avec délicatesse la naïve invitation. Mais à la voix des anges, quelqu'un répond du porche de l'église, rauque, angoissé, avec des intonations discordantes, sans aucun souci du rythme et de la mesure, lançant les notes les plus fausses qu'il soit possible d'entendre, c'est la voix d'un berger qui, volontairement bourru, s'écrie « Quelle est cette importune voix qui frappe mon oreille? Ne puis-je dormir une fois sans que l'on me réveille? Tantôt c'est le coq par son chant, tantôt l'enfant qui crie. On doit laisser dormir les gens quand ils en ont envie. » Sans se laisser déconcerter par cet accueil quelque peu brutal, les anges répètent leur invitation qui ne reçoit point de réponse. Le berger s'est sans doute rendormi. Tout à coup, à la voûte du chœur, immédiatement au-dessus de l'autel, la lueur fulgurante d'une traînée de fulmicoton allumant les bougies d'une vaste étoile symbolique illumine l'église tout entière. Cette fois, le berger ne résiste plus, il lui fallait sans doute un miracle. « Ah, quel éclat frappe mes yeux, malgré la nuit profonde! Sans doute, c'est le roi des cieux qui vient de naître au monde. Je sens déjà dans mon esprit sa grâce qui m'éclaire, et sa lumière me suffit pour un si grand mystère. » Les couplets se succèdent alors interminables, les anges multiplient leurs exhortations, et le berger, ses louanges et ses protestations d'amour et de fidélité. Ces dialogues rappellent la coutume qu'on avait autrefois de célébrer par des scènes animées la naissance du Christ. Cet usage se pratiquait dans nos anciennes provinces pendant la nuit de Noël. ces sortes de représentations connues sous le nom de pastorales finirent par dégénérer en bouffonneries sur divers points et donnèrent lieu à de sévères interdictions. Un chant nommé « chant des pasteurs » fut seul maintenu dans nos anciennes basiliques comme dans les églises de campagne. Il précédait dans les Landes le cantique « Benedictus ». Alors la voix des fidèles, des chantres et des enfants de chœur répétait à l'unisson les mêmes paroles en s'unissant aux accords harmonieux de l'orgue. Quelquefois aussi ce chant était accompagné par les musettes, les hautbois, les fifres et les tambourins. La messe de minuit en Vendée. En Vendée, Noël est toujours la grande fête populaire, exclusivement religieuse. Il n'y a pas de temps ni de chemin, si mauvais qu'il soit, qui empêche les gens de venir à la messe de minuit. Les habitants du village de Salertaine, dans le Marais, se rendent en bateau, ou mieux en yole, à la messe de minuit. Il n'y a guère que de la Saint-Jean à la Toussaint qu'ils peuvent venir à pied dans le village. Le reste de l'année, ils ne peuvent sortir qu'en bateau. Alors, ils suivent les fossés qu'ils connaissent comme des chemins et se rendent à l'entrée du bourg. Comment décrire ces barques oscillantes au milieu des ténèbres, portant à l'avant une lanterne accrochée à un bâton, étoile menue qui fouille les eaux, balancée par la marche et secouée par le vent. Au détour des fossés que cette lumière vacillante éclaire de ses lueurs falotes, en faisant étinceler le givre des arbres, on croit voir d'étranges silhouettes. On entend le clapotis des lames sous les coups de la ningle, rame. Quelquefois, les herbes amoncelées en maints endroits barrent le passage. Des oiseaux se lèvent au frôlement des roseaux, jetant un cri déchirant ou plaintif. Vanneaux, pluviers, bécassines, des centaines de voix font entendre de joyeux Noël et les échos répondent sur l'immense étendue des prairies inondées. La messe de minuit en Provence. Les fêtes de Noël se passent avec beaucoup d'entrain, de religion, de naïveté et de grâce dans toute la Provence et le Comtat. Il existe en Provence un usage rappelant la coutume suédoise qui associe les oiseaux à la solennité de Noël. À Entraigues, Vaucluse, la veille de Noël, les jeunes gens se mettaient à poursuivre les roitelets que les comtadins appellent pétouze, pétoua. Lorsqu'ils étaient parvenus à en prendre un vivant, ils en faisaient hommage au curé de la paroisse. Celui-ci, d'après le récit de Barjavel dans son livre curieux sur les dictons et sobriquets patois de Vaucluse, après la messe de minuit, montait en chaire tenant l'oiseau enrubanné de couleur rose et le lâchait dans l'église en présence d'une nombreuse réunion. Le choix que l'on faisait en cette circonstance d'un des oiseaux les plus petits avait peut-être pour but de reporter l'esprit des fidèles vers le petit enfant de Bethléem, et la liberté accordée solennellement par le pasteur au passereau était vraisemblablement la représentation naïve de l'affranchissement de l'âme humaine délivrée par la venue du Messie des chaînes du ravisseur infernal. Une coutume pareille se pratiquait aussi à Mirabeau, de temps immémorial. Les jeunes gens apportaient un roitelet vivant à la grand-messe au son du tambourin. Ils recevaient la somme de 3 francs que leur remettait le curé. À Mazan et dans quelques pays voisins, un grand nombre de personnes apportaient à la messe de minuit des oiseaux de diverses espèces qu'on lâchait au moment de l'élévation et dont le gazouillement joyeux venait ajouter un charme de plus à l'éclat de la fête. Ce devait être un spectacle gracieux que ces multitudes de petits oiseaux retrouvant dans la crèche qu'entouraient de nombreux et verts branchages, une image imparfaite de leur retraite habituelle. L'éclat d'une vive lumière rappelant le soleil ajoutait l'illusion, et le chant des oiseaux semblait se mêler aux voix célestes des anges pour annoncer à l'humanité tout entière l'auguste et consolant mystère de Noël. Cet usage rappelle le lâcher d'oiseaux qui avait lieu dans la cathédrale de Rouen le jour de la Pentecôte. Voici ce que raconte le vieux chroniqueur normand. Pendant le Veni Creator, du haut des voûtes, les domestiques du trésorier de la cathédrale jetaient en bas, sur une foule de personnes qui s'y trouvaient, quantité de feuilles d'arbres, des étoupes ardentes et des oiseaux jusqu'à l'Évangile. On sait que la symbolique chrétienne a souvent représenté le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe mystique descendant d'une nuée lumineuse. la petite ville des Baux, site grandiose qui attire le voyageur et l'artiste, située à 3 lieues d'un versant des Alpines, a gardé intactes les traditions ancestrales et tous les ans, pour Noël, une curieuse cérémonie se renouvelle. Quand la messe de minuit sonne, tous les bergers, toutes les bergères du pays s'acheminent vers l'église où rayonne près de l'autel une immense crèche en rocaille. On se presse, on s'agenouille autour, et lorsque tous les fidèles sont rassemblés, qu'il ne manque plus une pastourelle, plus un pasteur, l'un d'eux entonne un Noël. Après lui, un autre berger chante le second couplet, celui-là en provençal, et tous deux alternent ainsi, tandis que le fifre et le tambourin donnent la ritournelle. Puis l'adoration des bergers commence, un cortège pittoresque s'avance vers l'autel. D'abord une petite charrette fleurie, attelée d'un bélier enrubanné, caparaçonné d'or, où repose un agneau couché. Des bergères suivent, en robe blanche et ceinture d'aurore et d'azur, accompagnées de bergers au manteau sombre. Celui qui suit la charrette l'arrête au pied de l'autel. Alors, délicatement, il prend l'agnelet sur sa couchette, s'approche de l'officiant, dont il baise l'étole, et se tourne vers sa compagne. Il fait un salut, elle fait une révérence. Le berger tend l'agneau à la bergère, qui se tourne à son tour vers son voisin pour lui remettre le présent. De main en main, l'agnelet passe ainsi avec toujours les mêmes gracieux saluts, les mêmes révérences, pour demeurer enfin le cadeau fait à la crèche. Quelques-unes des bergères doivent s'incliner avec beaucoup de précaution devant l'agneau. Elles portent en effet une coiffure fragile, une corbeille chargée d'un gâteau. Une cérémonie à peu près semblable a lieu dans quelques communes des environs d'Arles. À la messe de minuit, au moment de l'offrande, on voit s'avancer vers l'autel le corps des bergers, précédé du tambourin, de la cornemuse et de tous les instruments rustiques qu'on peut réunir dans le pays. Ils portent de grandes corbeilles remplies de fruits et d'oiseaux de différentes espèces. Les bergers suspendent ces corbeilles à leur ceinture par un ruban et les femmes les portent sur leur tête. À Maussan, les prieuresses sont coiffées du garbalin, sorte de gerbe élégante en forme de bonnet conique et fort haut, garni tout autour de pommes et d'oranges. À la suite du corps des bergers est un petit char, tout couvert de verdure, éclairé par une multitude de bougies et traîné par une brebis dont la toison, d'une blancheur éclatante, est encore relevée par des nœuds de ruban distribués en guise de flocons. L'agneau s'entache et dans le char, une seconde troupe de bergers et de bergères jouant et chantant des Noëls ferme la marche. Les prieurs font l'offrande de l'agneau et des corbeilles et le cortège retourne dans le même ordre. Le même cérémonial est répété à la messe de l'aurore et à celle du jour. En 1872, dans le village de Lagne, Vaucluse, bergers et bergères, costumés et chargés de présents rustiques, célébraient la nativité. Détail curieux, on y portait une étoile au bout d'un bâton nommé Guérindon, et le cortège se terminait par un groupe de jeunes filles armées d'une épée à la pointe de laquelle se trouvait une pomme lardée de pièces d'argent qui était déposée dans la crèche. Nous citons textuellement le récit qu'on a bien voulu nous faire de la procession des bergers à la messe de minuit à l'Isle-sur-Sorgue, Vaucluse. À la messe de minuit, un peu avant qu'elle commence, tandis que le Te Deum qui termine les matines est solennellement chanté aux sons harmonieux de l'orgue, un mouvement bien prononcé se produit dans l'église. On entend dans le lointain le bruit vague du tambourin et le son aigu du fifre. Bientôt, ils sont à la porte. Des enfants jettent des cris « La charrette, la charrette !» La charrette est un petit chariot à 2 roues. Il est couvert, mais les côtés ouverts sont fermés par de petits barreaux artistement tournés. Il est décoré de guirlandes de buis et enrubanné. Il est traîné par 2 brebis, à la blancheur d'hermine, précédé du tambourin, du fifre et des tinclettes. Les belles, ou fermiers, en tête, dont l'un porte un tout petit agneau blanc. Ils entrent dans l'église en jouant un air retentissant, rustique et traditionnel, dont il serait impossible de donner une juste idée, mais dont l'entrain et la gaieté électrisent la nombreuse assistance. Ils vont se ranger auprès de la crèche qui occupe une des vastes chapelles latérales au centre de la nef. Le silence se fait, l'émotion religieuse est visible, ce calme n'est interrompu de temps en temps que par le bêlement de l'agneau auquel répond celui des brebis mères, bêlement grave, d'un octave plus bas, mais dont le contraste est d'un effet charmant et touchant. L'office terminé, la grand-messe commence. Après l'incarnatus est, le diacre se détache, accompagné des enfants de chœur. Ils sont 24, tous de rouge vêtus, et va à la crèche. Là, après avoir encensé l'enfant Jésus, il le prend et l'apporte dans son frêle berceau. Il est précédé des enfants de chœur et des belles, tenant des cierges allumés. Le premier bel place son cher petit agneau blanc sur l'autel. Le credo et l'offertoire terminés, l'orgue donne le signal du départ en jouant l'air obligé, comme ci-dessus, qui est répété par les tinclettes, le fifre et le tambourin. C'est le beau moment. Tout est préparé, les belles en ligne, les torches allumées, la charrette où sont attelées les brebis richement harnachées, le petit agneau entre les bras du premier bel qui, la tête couronnée d'un étincelant diadème, couvert d'un magnifique manteau écarlate, ouvre le cortège et se dirige vers l'autel. Quelle majesté, quelle grâce naïve ! Il s'avance lentement, tous sous le coup de l'émotion qui dut être celle des bergers auprès de la crèche de Bethléem. L'agneau bêle de temps en temps, tout le monde est debout, on veut voir la brebis, la charrette tout illuminée dans laquelle on aperçoit des pigeons, des poulets, de petits oiseaux, un lapin blotti au coin du véhicule. L'enthousiasme est à son comble, des larmes coulent dans les yeux de beaucoup de fidèles. C'est bien la scène de Bethléem, ce sont bien les bergers qui arrivent à la crèche pour adorer l'enfant divin anéanti sous la forme humaine. On voudrait être du cortège qui arrive à l'autel. Le célébrant qui a déjà baisé le divin enfant est là, entouré du diacre, du sous-diacre et des enfants de chœur. Il tient dans ses mains le petit Jésus qu'il fait baiser d'abord au Suisse qui a levé son chapeau, puis à tous les belles et à ceux qui se sont joints à eux, ensuite à la musique champêtre et aux bergers qui conduisent les brebis. Tous font le tour de l'autel, suivant le char traîné par les brebis, et de là retournent à la crèche où le diacre va déposer le bambino. Ainsi se termine cette offrande, qui sera répétée à la grand-messe du jour et à celle de la purification le 2 février.